إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أيها الإخوة الكرام في هذا الوقت الذي تتتابع فيه الفتن كقطع الليل المظلم يمسي فيه المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا في هذا الوقت الذي تزيغ فيه القلوب عن الحق لقلة الصبر على وعثاء الطريق وبعد السفر وبطش العدو وحيلته ومكره وتمكنه وعلوه وقهره في هذا الوقت تضعف القلوب عن الثبات على الحق والاعتصام بالهدي وبالهدى وتبحث عن المخارج والتأويلات والاجتهادات والتوفيقات والتلفيقات تعايشا لماذا؟ تعايشا مع الواقع وهروبا عن المواجهة وخداعا للنفس في هذا الوقت العصيب قد أخذ علينا ربنا الميثاق أن نبين الحق ولا نكتمه وأن لا نلبس الحق بالباطل وأن لا نقلب الحقائق وأن لا نشتري بآيات الله ثمنا قليلا ولا نخشى في الله لومة لائم وأن نظل قوامين لله شهداء لله بالبلاغ والبيان في مواقف الإشهاد بين الناس قوامين بالقسط في هذا الوقت العصيب إذن ينبغي علينا أن نظل قوامين لله تبارك وتعالى شهداء لله تبارك وتعالى بين الناس بالقسط ولذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه وقبل إن شاء الله قبل أن نذكر كلام الإمام أحمد الذي ذكره في مقدمته على الرد في الرد على الزنادقة قبل ذلك إن شاء الله سأترجم ما قيل يعني باللغة الفرنسية. أيها الإخوة، en cette époque où les fitan, les troubles, les fitan se succèdent les unes après les autres, dans une obscurité qui est pareille aux moments les plus sombres, qui est pareille aux moments les plus sombres de la nuit. En cette époque où l'homme au matin se retrouve croyant et au soir il se retrouve mécréant. Et au matin et au soir il est croyant et au matin il devient mécréant. Car il aura vendu sa religion pour un intérêt de ce bas monde. En cette époque, ayyuha l'ikhwa, lors de ces troubles, les cœurs dévient et se détournent de la vérité. À cause de quoi? À cause du manque de patience face aux difficultés du chemin. En cette époque où les cœurs faiblissent et ne patientent pas face aux difficultés ressenties lors du suivi et lorsqu'on emprunte le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de suivre afin d'obtenir sa satisfaction. Et aussi à cause... Pourquoi on manque de patience? À cause de la longueur du voyage, sans oublier la suprématie de l'ennemi, ses ruses et sa prédominance. En cette époque, les cœurs faiblissent, qu'Allah nous en préserve. Alors, les cœurs faiblissent et perdent leur fermeté dans l'attachement à la vérité et à la guidée, cherchant des portes de sortie illusoires qui n'ont aucune réalité et qui ne servent strictement à rien. Ce n'est qu'une pure illusion. Cherchant des portes de sortie illusoires et des interprétations de la religion mensongères et erronées, ainsi que des efforts de réflexion qui sont loin de la vérité. Pour fuir des responsabilités que nous enjoint ou des responsabilités que nous devons affronter dans la vie de tous les jours, en joignant le vrai et le faux, c'est-à-dire lorsqu'on fuit de la vérité de cette manière-là, et lorsque on s'écarte de la guidée et on cherche ces fausses interprétations-là et on cherche ces portes de sortie illusoires, lorsqu'on emprunte cette voie-là, lorsque les gens empruntent cette voie-là, qu'Allah nous en préserve, on joint alors le vrai et le faux, afin de vivre tranquillement avec la réalité amère qui nous entoure. Afin de vivre tranquillement avec la réalité amère qui l'entoure, pour fuir la confrontation et l'affrontement inévitable entre le vrai et le faux, et tromper son âme et essayer de se convaincre que telle est la voie à suivre. C'est ainsi que les cœurs faiblissent, et c'est la raison pour laquelle les cœurs ils faiblissent. Pourquoi ? Parce que le chemin à suivre, il y a plein de responsabilités, de difficultés, de peines. Il n'est pas plein de roses et de fleurs. De ce fait-là, les cœurs, certaines fois, ils viennent à faiblir. Et c'est pour ça que l'homme, au matin, est croyant, et au soir, il est mécréant. Et au soir, il est mécréant, il est croyant, et au matin, il est croyant. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ. Il vend sa religion pour un vil intérêt ou un très petit intérêt de ce bas monde. Tout ce qui a précédé Ayyuha al-Ikhwa est l'une des muqaddimah, l'une des introductions qu'un cheikh qui s'appelle Ahmed Abdessamir, qui est décédé, rahimallah, il doit y avoir 16 ans à peu près. Ce cheikh était l'un des cheikhs des savants d'Alexandrie en Égypte, et rahimahullah, il était un grand savant qui prêchait le tawhid et parler de certaines réalités que nous vivons exactement aujourd'hui. Il partait de parler de réalités que nous vivons exactement aujourd'hui. Et ce qu'il vient de citer s'accorde parfaitement à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, « Badiru bil a'mal fitanan fitanin fitanan ka qita'il layl al-muzlim. »« Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il layl al-muzlim. » Précipitez-vous à accomplir des bonnes œuvres, car viendra des moments plus obscurs que les moments les plus sombres de la nuit. Il viendra des moments, des troubles où la vérité, l'imam Malik, rahimahullah, il dit, fitanan kaqita illay al-muzlim, ay liqillati al-ilm wa ghalabati al-jahl. Parce que l'ignorance, la science, elle sera très peu nombreuse, la science sera très peu présente, et l'ignorance prendra le dessus. Donc, ces moments de trouble et de fitna où la vérité sera très difficile à discerner ou encore à suivre, ils sont comparables aux moments les plus obscurs de la nuit. يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. L'homme sera au matin croyant et le soir il sera mécréant. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. Et au soir il sera croyant et au matin il sera mécréant. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ. Il vendra sa religion pour un vil intérêt de ce bas monde. Il vendra sa religion pour un vil intérêt de ce bas monde, quelque chose qui n'a aucune valeur en ce bas monde. Lors de ces moments que on est sans aucun doute, on vit une partie de ce qui a été cité dans ce hadith, il faut renforcer sa foi par quoi ? Par al-thabat, par le raffermissement. Et faire attention que son cœur ne faiblisse pas. Et le cœur, il faiblit à cause de quoi ? À cause de ce que le cheikh a cité. Premièrement, لماذا يضعف القلب ولماذا لا يقوى على مواجهة الباطل لقلة الصبر على وعثاء الطريق لقلة الصبر على وعثاء الطريق. À cause de très peu de patience et du manque de patience face aux difficultés rencontrées dans le chemin que l'on suit. Donc, le fait qu'il soit difficile de patienter face aux difficultés rencontrées sur ce chemin, Et le fait que le faux, il ait pris le dessus dans la majorité des régions du sous-bas-monde. Et en général, le faux se propage très très très très vite. Et comme on l'a vu lors de la khutbah Jumu'ah, le shaitan, il fait quoi? Il fait tout pour embellir le faux. Al-shaytan qata ala nafsihi annahu sayughwi bani adam. فبالتالي يزين له الباطل يزين له الباطل يزين له الاشراك بالله عز وجل والغلو في دين الله. Donc le shaitan, il fait quoi? Il fait tout pour embellir le faux. Il embellit l'association à Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'siyat Allah, et la désobéissance à Allah, et de l'autre côté aussi l'embellit al-ghulu fi din Allah, l'exagération dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالشيطان لا يزين فقط مخالفة أوامر الله عز وجل يعني الواضحة الجلية. Le shaitan, il n'embellit pas simplement l'opposition aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala clair et évident. Certaines fois, il va venir te voir, tu es quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. تتعبد لله سبحانه وتعالى. وحتى أنك تبكي في يعني في صلاتك وفي دعائك وتخشى وتتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. فيأتيك الشيطان, à ce moment-là, le shaitan, il vient parce que tu es quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut t'arriver de pleurer pendant que tu adores Allah, et il te trompe de quelle manière? Par une autre porte. Pas le fait d'aller désobéir à Allah, d'abandonner la salat ou de faire du shirk. Non. Il va te faire exagérer dans la religion d'Allah. À ce moment-là, tu vas rendre mécréants les gens injustement. Ou tu vas considérer des gens égarés alors qu'ils ne sont pas. Et tu vas te sentir meilleur. Et ça, c'est un sentiment qui est très très dangereux. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des khawarij, qu'est-ce qu'il a dit? Sufaha ou l'ahlam, hudatha ou asnam, sufaha ou l'ahlam. C'est des gens qui sont jeunes et dont les rêves sont fous. C'est des rêves qui sont, c'est des bêtises. Et ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi? Yaqra'un al-Qur'an la yatajawazu hanajirahum. Ils lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. C'est-à-dire, ils ne le comprennent pas. Yamruquna min ad-din kama tamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ils sortiront de la religion comme la flèche sort de sa proie. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Yahqir wahadukum salatuhu amama salatihim wa siyamuhu amama siyamihim. Et l'un d'entre vous méprise sa prière devant leur prière et son jeûne devant leur jeûne. Les khawarij, yani jadduhum جدهم الأكبر ذو الخويصرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعدل يا محمد, قال اعدل يا محمد, وقال ويحك إن لم أعدل فمن الذي سيعدل؟ فقال له علي خالد بن الوليد: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال لا لعله يصلي. Leur grand-père au Khawarij, ذو الخويصرة, il a dit quoi au prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a distribué le butin? Il a dit: sois juste يا محمد. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: malheur à toi. Si moi je ne suis pas juste, qu'est-ce qui va être juste? Et c'est là que Khalid ibn Walid devient Rasulullah, laisse-moi frapper le coup de cet hypocrite. Et le prophète s'en dit: non, il se peut plus. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَ وَجَلَّ. Et ça, c'est une preuve que celui qui ne prie pas, c'est un mécréant. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. Le prophète s'en dans le hadith sahih, il dit: le sang du croyant ne peut être désacralisé que pour trois choses. Az-zani al-muhsan, celui qui a commis l'adultère tout en ayant été marié une fois dans sa vie. Al-qatil an-nafs, celui qui a tué quelqu'un. Wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a, et celui qui a abandonné sa religion, celui qui a abandonné sa religion et qui se sépare et quitte la jama'a des musulmans. Donc ici, celui qui a abandonné la prière, on voit que il est permis de lui appliquer la peine légale, la peine capitale. يُضْرَبْ عُنُقُهُ. وَلَكِنْ هَلْ تَارِكُ الصَّلَاةِ زَانِ مُحْسَنْ تَارِكُ الصَّلَاةِ هَلْ زَانَ لَمْ يَزْنِ. Celui qui abandonne la prière, ce qui rentre dans le premier cadre, qui est celui qui a commis l'adultère en ayant été marié une fois dans sa vie, là, هَلْ هُوَ قَاتِلٌ لِلنَّفْسِ, est-ce qu'il a tué quelqu'un, celui qui abandonne la prière? Là, non. Donc, il ne reste plus qu'une troisième chose, c'est quoi? At-tariku lidinihi al-mufariqu lil-jama'a. Celui qui a abandonné sa religion et qui a délaissé le groupe des musulmans. C'est-à-dire, al-murtad, l'apostat. Donc, celui qui abandonne la prière en réunissant entre les deux ça, entre les deux hadiths. Fajam'an bayna an-nassayn yatabayyanu lana jaliyan anna tarika as-salati kafirun billahi tarikun lidinihi mufariqun lil-jama'ati al-muslimin wa lahiqun bi-jama'ati al-kafirin. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le pacte qui est entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui l'abandonne, il aura mécru, ou il sera devenu un polythéiste. Donc il sera mécréant ou un polythéiste. ثم قال الشيخ حفظه الله رحمه الله قال يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم أي على يصبرون من الناس يصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل أي مقتول قتله إبليس أي قتل دينه فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس أي ما أحسن أثر العلماء وأهل العلم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين أي الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم أي هؤلاء المبتدعة أهل الضلال فهؤلاء فهم مخالفون للكتاب محترقون للكتاب محترقون في الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب أي أهل البدع يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم أي يتكلمون بالمتشابه من الكلام الذي يحتمل أكثر من وجه يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين الأئمة المضلين الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أخوف ما يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم مثال ذلك الذين يجيزون الدخول في البرلمانات الشركية والمشاركة السياسية كما يزعمونها وهي اتخاذ المشرعين مع الله عز وجل أو الذين يجيزون القتال مع أهل الكفر ضد أهل الإسلام كل هؤلاء من أئمة الضلال الذين يحرفون كتاب الله سبحانه وتعالى الذين عقدوا ليست ألوية البدعة بل ألوية الكفر والشرك من أجل إضلال الناس تضليل الناس وانحرافهم عن دين الله تبارك وتعالى فنعوذ بالله من فتنة هؤلاء الذين يتكلمون عن الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم Et après cela, il faut savoir une chose, c'est que malgré toute cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala a pris de nous l'engagement d'exposer la vérité et de ne pas la cacher. Ou encore de ne jamais faire croire que le mensonge est une vérité en donnant au batil le faux et au mensonge un habit de haqq. En donnant au batil, au mensonge et à l'égarement, un habit de vérité. Ça, il faut jamais le faire. Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de Bani Adam, a pris l'engagement de ceux qui ont reçu le livre, a pris l'engagement de celui qui a une connaissance de la transmettre. وَلَا تَكْتُمُونَ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'Allah prie des gens du livre, l'engagement de montrer la vérité de ne pas la cacher. De montrer la vérité de ne pas la cacher. Ils l'ont alors délaissé derrière leur dos. Ils l'ont laissé derrière eux. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Et ils l'ont vendu à un vil prix. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Quel pire négoce que celui qu'ils viennent de faire. Qu'Allah nous en préserve. Donc, notre Seigneur a pris de nous l'engagement d'exposer la vérité de ne pas la cacher. Ou de faire croire encore que le mensonge est une vérité. En donnant au batil, au faux et au mensonge un habit de vérité. Ou encore, et ça c'est une des pires des choses, d'altérer la réalité des choses. أن نقلب الحقائق. قلب الحقائق من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الإفساد في الأرض، من أعظم الإفساد في الأرض قلب الحقائق، أي أن نجعل من الإيمان بالله كفرا وشركا، وأن نجعل من الكفر والشرك إيمانا وكفرا، إيمانا وتوحيدا. وهذا ما تفعله بعض الحركات التي تنتسب إلى الحركات الإسلامية والجماعة الإسلامية، كما تفعله حماس الضالة التي حرفت دين الله سبحانه وتعالى بأن جعلت من الديمقراطية الشركية والانتخاب والدخول في المجالس التشريعية، جعلت من ذلك التقوى وإيمانا وتقوى وإيمانا وتطورا وعبقرية. وهذا من أعظم الضلال، عفاني الله إياكم منه. Donc encore d'altérer les réalités des choses, ça c'est une pire des, c'est la pire des choses, c'est de changer le nom des choses. Par exemple, le kufr et la foi, le kufr et le shirk, on va en faire une foi, on va en faire et on va le transformer, on va lui donner un nouvel habit. Ça va être quoi? Une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, une manière d'unifier Allah. Et de même, le tawhid, on va en faire quoi? Du shirk et un égarement. Regardez aujourd'hui ce que font certains mouvements comme Hamas lorsqu'ils sont appelés à appliquer la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le massacre dans la mosquée d'Ibn Taymiyyah. Ils ont massacré les musulmans sans discuter, sans aucune discussion. Ils sont rentrés, ils ont détruit. Même les gens qui étaient al-jarha, les gens qui étaient blessés, qui étaient par terre, ils les abattaient tout de suite, sans discuter avec eux. À la suite de ça, un cheikh qui s'appelait Abu Nour, rahimahullah, il avait une maison, ils ont détruit sa maison. Il est mort. Il y avait sa femme et ses enfants dedans. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont appelé à appliquer la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour ça. Et de l'autre côté, ce même mouvement de Hamas, ils ont des problèmes avec Fatah, parce qu'il est un mouvement laïque. Et comment ils font pour régler ça? Ben, ils s'assoient sur la table des négociations. Donc avec les laïcs, avec l'almaniyin, on s'assoit et on négocie. Et avec Ahl al-Tawhid, plus de discussion. Al-Qatl wa al-Taqtil wa al-Tashrid. هذا ما ينتظر أهل التوحيد. ما ينتظره التقتيل والتشريد. لا كلام ولا مكالمة ولا أي شيء. أما أهل الشرك والتمديد فهم إخواننا وهم أولياء أمورنا. même العباس le président qui est plus que loin de la religion d'Allah سبحانه وتعالى. c'est un laïc déclaré. il le déclare lui-même. c'est leur dirigeants, c'est leurs frères en islam, et même les chrétiens qui meurent, ils les appellent les shuhada, les martyrs, les chrétiens. Et puis Ahl al-Tawhid, c'est qui? Les gens du Tawhid qui appellent à appliquer la sharia, c'est les Khawarij, al-Takfiriyoun, al-Mariqoun, les gens de la fitna, ceux qui veulent semer le trouble. Ils sont madsoussin, ils ont été infiltrés, c'est les juifs qui sont derrière. Subhanallah, ceux qui vous appellent à appliquer la sharia, ils sont infiltrés par les juifs. Et vous faites quoi exactement? Ils sont en train de combattre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour appliquer la loi du Tawhid. Et ça, c'est une des pires des choses. Et aujourd'hui, on voit que les gens qui viennent défendre Hamas, ils sont en train de parler, non, mais il ne faut pas de fitna, les musulmans ne doivent pas s'entretuer. Quel musulman vous parlez? De quel musulman vous parlez? Wallah, il m'est arrivé une fois d'entendre une khutbah de Jumu'ah. Je vous le dis juste à titre d'info pour montrer que les imams d'aujourd'hui parlent, mais dès que tu vas les voir seuls, ils disent tout le contraire. Et là, il a fait une khutbah de Jumu'ah pour dire oui. Lorsqu'il y avait eu des combats entre Hamas et Fatah, il y a déjà 3 ans. Ils ont dit oui, il a fait une khutbah pour dire إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, celui qui a tué, celui qui a été tué sont en enfer. Et c'est Fatah, c'est un mouvement laïque qui combattait à cette époque un mouvement qui s'appelait l'islam qui était Hamas. À la fin de la khutbah, j'étais le voir, je lui dis à Cheikh Barak Lofik, tu as dit telle et telle chose, de quel musulman tu parles? C'est des laïcs, Fatah. C'est des laïcs. Donc je lui dis Hamas, je ne voulais pas rentrer tout de suite en parlant de Hamas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais lui parler de Hamas par après. Mais je vais tout d'abord lui parler de ceux dont la mécréance est claire, c'est un mouvement laïque, Fatah. Je lui ai dit, pour Fatah, que c'est un mouvement laïque, pourquoi vous avez cité ce hadith? Mais tu crois que Hamas est mieux? Je lui ai dit, non, c'est pas mieux. Il me dit, Barakallahu fik. Quoi, Barakallahu fik? La khutbah Jumu'ah que tu as fait derrière. Tu parlais de deux musulmans, donc tu sais très bien le hukm du mouvement de Fatah. Pourquoi tu cites ce hadith? Il est hors contexte ce hadith. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ قَلْبُ الْحَقَائِقِ. Et ça, c'est l'une des pires des corruptions qu'il puisse y avoir sur terre, c'est de faire du mécréant un musulman, et du musulman un mécréant, et du soumis un muqtadir, et du muqtadir, on en fait un l'innovateur, on en fait un bien guidé. Et ce qui en découle est grave. C'est pas des petites choses qui en découlent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous clarifions, nous exposons clairement les versets, afin que le chemin des criminels apparaisse au grand jour aux yeux des gens. Que tout le monde puisse le voir, le chemin des criminels. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala détaille tout ça? Pour que tu saches qui est ton wali, qui est ton allié, et qui n'est pas ton allié. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne le faites pas, il y aura une fitna sur terre. Et وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, une corruption énorme. L'imam al-Kathir dit, إِلَّا تَفَعَلُوهُ أي إِلَّا تُوَالُوا فِي اللَّهِ وَتُعَادُوا فِي اللَّهِ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ وَفَسَادٌ طَوِيلٌ عَرِيضٌ فَسَادٌ كَبِيرٌ فَسَادٌ طَوِيلٌ عَرِيضٌ. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire, si vous ne vous alliez pas pour Allah, et vous ne désavouez pas pour Allah, il y aura sur terre un trouble, une fitna, du sang qui sera versé, et une énorme corruption. Ibn Kathir dit, une longue corruption qui durera très très longtemps. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Mais comment tu peux t'allier pour Allah et te désavouer pour Allah, alors que tu ne sais même pas faire la différence entre ton allié et ton ennemi? Comment tu peux faire? كيف توالي في الله وتعادي في الله وأنت لا تفرق بين وليك ولي الرحمن وعدوك عدو الرحمن تبارك وتعالى كيف تفعل كيف توالي وتعادي وأنت لا تعرف الحقائق التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. Comment tu peux t'allier et te désavouer alors que tu ne sais pas faire la distinction entre ton allié et ton ennemi? Là, ton allié, l'allié d'Ar-Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton ennemi, l'allié du shaytan. Si tu ne sais pas faire la différence entre les deux, comment tu vas t'allier et donner des droits aux musulmans et te comporter comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé envers les mécréants? Comment tu vas faire alors que tu ne connais pas la réalité du croyant et la réalité du mécréant? وَلِذَا يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الله سبحانه وتعالى يبين لنا حالة الأعراب أي بعض الأعراب أنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالله سبحانه وتعالى ذم الأعراب لأنهم لا يحرصون على تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وعلى معرفة الحدود التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رسوله. ومن أعظم وأهم تلك الحدود حد الإسلام والكفر، حد الإسلام والتوحيد، وحد الشرك والتنديد. فإن لم تفرق بين هذا وذاك اختلطت عليك الأمور واختلطت الموازين عندك، فستوالي عدوك عدو الله سبحانه وتعالى وتجعله تجعله وليا حميما، ومن في المقابل تعادي ولي الله ولي الرحمن، تعاديه من أجل دينه، وبالتالي يلحقك الوعيد الشديد. ومن عاد لي وليا آذنته بالحرب، فيحاربك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وتعيش مع حياة ضنكة ولا تدري ما السبب. لماذا؟ ما لي وهذا الضنك الذي في صدري؟ ما لي وهذه الحياة التعسة؟ لماذا؟ لأنك عاديت أولياء الرحمن، فعادك فآذنك الله سبحانه وتعالى بالحرب، وحاربك أولياء الله سبحانه وتعالى من الملائكة وحتى من الجن، من المسلمين يعادونك ويلغصون عليك حياتك لأنك آذيت أولياء الله سبحانه وتعالى. Donc ça, qu'est-ce qui peut arriver aussi? C'est que par après, c'est les conséquences de cette alliance et de ce désaveu, c'est que de cette absence de connaissance des limites qu'Allah a fixées. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi au sujet des bédouins? Il dit, les bédouins sont les plus endurcis dans leur mécréance et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître, à ne pas connaître, ils ne veulent pas connaître les limites qu'Allah a fixées à révéler à son messager. De ça, on comprend une chose, comme l'ont dit les ulama, Cheikh Abu Boutain, Abdullah ibn Abdurrahman, Abu Boutain et d'autres, rahimahullah, que connaître les limites qu'Allah a fixées à révéler à son messager est une obligation, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les bédouins qui ne voulaient pas les connaître. Est-ce que vous imaginez une limite et une définition? C'est quoi les limites? C'est les définitions. Est-ce qu'il y a une définition plus grande et plus importante que la définition de l'islam et la définition du shirk et la définition de l'iman et la définition du kufr de l'autre côté? Si tu ne connais pas la définition de la foi, la définition du tawhid, comment tu vas reconnaître le muwahhid? Et comment tu vas savoir si toi déjà tu es dans le tawhid. Et si tu ne connais pas ce qu'est la mécréance et ce qu'est le shirk, comment tu vas reconnaître le mushrik? Et comment tu vas savoir si toi, déjà, t'es pas dans le shirk? Comment tu vas faire? Tu pourras pas. Donc, ce sans quoi l'obligation ne peut être complétée devient obligatoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux t'allier, si tu ne connais pas ça, tu peux t'allier aux ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et leur donner les mêmes droits qu'on donne aux musulmans. Et de l'autre côté, tu vas te désavouer et t'innocenter et combattre les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais que tu crois que tu vas combattre et que tout va se terminer comme ça? La badan. Kalla. Ce que tu vas vivre, c'est quoi? C'est qu'Allah va te déclarer la guerre. وَمَنْ عَادَ لِوَلِيًّا آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, jusqu'à la fin du hadith, il dit, et celui qui est hostile envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Allah, il te déclare la guerre. Et si Allah il te déclare la guerre, il n'y a rien de beau qui t'attend. Les anges vont te déclarer la guerre. Les djinns musulmans vont te déclarer la guerre. Les hommes musulmans vont te déclarer. Ça veut dire que tu vas être mal. Les gens vont te voir, vont te détester. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Même les chiens, les animaux, ils risquent de te courir après. Tu ne vas même pas te rendre compte pourquoi. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Al-Jawab al-Kafi, le man sa'al al-Dawa al-Shafi, il disait quoi? Il disait, quand quelqu'un est désobéit à Allah, il s'éloigne de la voie d'Allah, ben, tout le monde est mauvais avec lui. Les animaux, ils ne sont pas bons avec lui. Sa voiture, elle ne veut pas. Bon, il ne parlait pas parler de la voiture, Ibn al-Qayyim. Mais il a parlé de la monture. Elle ne veut pas marcher, elle ne veut pas avancer. Dabbatou. Comme a dit le salaf, كنتu ara athara dhunubi fi ahli wa dabbati. Il disait, je voyais les effets et les conséquences néfastes de mes péchés dans le comportement de ma voix, de ma monture et dans le comportement de ma femme et de ma monture. Donc tout sur terre va être mauvais avec toi. C'est pas simple. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Il faut bien distinguer entre l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui n'est pas un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أولياء الله أولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الطاغوت. Tu dois distinguer entre ça et ça. Mais comment tu dois faire? Pourquoi tu dois le chercher pour être heureux en ce bas monde et dans l'au-delà? ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. Donc ceux qui accomplissent de bonnes œuvres en ce bas monde, ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, tout en étant croyants parmi les hommes et les femmes, nous allons certes leur accorder une belle vie. Et dans l'au-delà, nous les récompenserons par les meilleures actions qu'ils faisaient. C'est ça la bonne récompense. Les bonnes actions, l'amal salih, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une bonne action qui peut être considérée comme une bonne action alors que tu ne sais même pas distinguer le tawhid du shirk et le kufr du iman? Ou tu ne sais pas distinguer l'allié d'Allah de l'ennemi d'Allah? Ou que tu vives toute ta vie en ayant la haine contre les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et en aimant les ennemis d'Allah? Et en t'alliant aux ennemis d'Allah, et en étant prêt à aider les ennemis d'Allah contre les alliés d'Allah et contre les musulmans, est-ce que tu peux être considéré comme quelqu'un de bienfaisant, ou encore que tu es quelqu'un qui a fait du bien dans ta vie? Quel bien il y a avec quel bien peut-il y avoir en étant hostile envers les ennemis d'Allah, en les détestant intérieurement, en étant hostile envers les alliés d'Allah, en les détestant intérieurement, en ne pensant même pas aux problèmes qui leur arrivent? Et de l'autre côté, très soucieux de comment les ennemis d'Allah vont évoluer, comment vont-ils réussir? Quel souci, quelle préoccupation, quel bonheur, quelle foi tu as quand tu agis de la sorte? Quelle foi tu as quand tu agis de la sorte? Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Mu'alat a'da illa, c'est devenu quelque chose de normal. S'allier aux ennemis d'Allah. Et les gens, ils préfèrent les mécréants que les musulmans. Dès qu'il y a une transaction, c'est ça les musulmans. Dès qu'un musulman fait une erreur, c'est ça l'islam. Mais ces gens qui disent tout ça, c'est quoi? Ces gens, ils ont une uqda nafsiya, ils ont un problème intérieur, ces gens. Contre quoi? Pas contre toi. C'est pas contre ta barbe qu'ils ont un problème. C'est contre l'islam. Et toi, ils te louperont pas. La moindre erreur, wallah, ils vont pas te louper. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème contre l'islam, ces gens. Al-Munafiqin, à l'époque du prophète, sans même, il lâchait des petits mots comme ça. Il lâchait des petits mots. Mais toujours, ils essaient de se cacher. Aujourd'hui, le nifaq, il est flagrant, aujourd'hui. Aujourd'hui, le nifaq, il est flagrant. L'hypocrisie, elle est flagrante. Pourquoi? Parce que les monafiqins, ils ont peur de rien. La critique de l'islam, c'est devenu quelque chose de normal. Se moquer des anges, c'est devenu quelque chose de normal. Faire des blagues sur la prière, c'est devenu quelque chose de normal. Des fois, t'entends même ça de la part de certains frères. Adhamoullah. Faut faire attention. Les gens, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont devenus mécréants. Il y avait une bataille, la bataille de Tabouk. Les musulmans allaient rencontrer les Romains. il y avait une bataille qui était prévue. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a été pour rencontrer les Romains. La bataille ne s'est pas produite, mais sur la route, les musulmans, donc, ils s'arrêtent. فجلس بعض أصحاب بعض من كانوا مؤمنين فقالوا ما رأينا مثل هؤلاء القراء مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء ولا أبطل من هؤلاء. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu, il y avait des qurra, ceux qui connaissaient le problème par cœur, ils étaient aussi dans l'expédition. Et puis les autres, ils sont assis, ils les ont regardés. Et ils blaguaient entre eux. Ils ont dit, on n'a jamais vu de gens qui avaient un plus gros ventre que ceux-là, ni qui étaient plus lâches lors du combat. Ils parlaient des sahabes qui connaissaient le problème par cœur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a un sahab, il les a entendus, il dit, Wallahi la ukhbiran nabi bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, je vais aller dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à côté du prophète, il a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il avait déjà révélé des versets, parlé de ces gens. C'était quoi ces versets? Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Et si tu les questionnes, ces gens-là qui se moquaient, qui blaguaient, voulaient passer le temps, ils n'avaient rien trouvé d'autre que la religion pour se moquer. Et si tu les questionnes, ils te diront, nous ne faisions que plaisanter et blaguer. Et s'amuser. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَانْظُرْ إِلَى الْحُكْمِ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي هَؤُلَاءِ ثُمَّ انْظُرْ مِنْ حَوْلِكَ يعني ما أكثرهم على الأسف الشديد. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Dis, est-ce d'Allah, de son verset, de ses versets, et de son messager dont vous moquez? لَا تَعْتَذِرُوا. Ne vous excusez pas. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Vous êtes bel et bien devenus mécréants après avoir eu la foi. Ne vous excusez pas, vous êtes mécréants maintenant. Vous êtes sortis de l'islam. Et le sahabi qui raconte l'histoire, il disait, je voyais l'un d'entre eux, celui qui se moquait, il tenait, كَانَ يَمْسِكُ بِعِنَانِ فَرَسِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. ويقول إنما كنا نخوض ونلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, le sahabi qui rapporte le récit, il dit, je voyais cet homme-là, qui était l'un de ceux qui se sont moqués, parce qu'ils étaient trois. L'un de ceux qui se sont moqués, il prenait les rênes de la monture du prophète صلى الله عليه وسلم, il lui disait, Ya Rasulallah, nous ne faisions que nous moquer, que plaisanter et nous amuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui répondait, dis est-ce d'Allah, de son messager et de ses versets dont vous moquez, vous plaisantiez sur Allah, sur sa religion et sur ses versets, sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous excusez pas car vous êtes bel et bien devenu mécréant après avoir eu la foi. Maintenant vous n'êtes plus musulman. Imaginez une parole qui a été dite sur des sahaba. Ça a été considéré comme étant une moquerie d'Allah et de sa religion et de l'islam. Qu'en est-il de ceux aujourd'hui qui racontent les blagues sur la religion ou de ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala? Et quand quelqu'un insulte Allah, tu vas dire non, c'est plus un musulman cette personne. Si elle était mariée avec une musulmane, elle doit se séparer de lui. Oh, regarde, qu'est-ce que tu dis toi? T'es un takfiri toi, t'es un khaliji, tu fais sortir les gens de l'islam, t'es qui toi? T'es Allah pour juger. Et cette même personne qui te dit t'es Allah pour juger, quelqu'un va violer sa sœur, il va l'insulter tous les noirs, il va lui dire, il va même peut-être le condamner éternellement en enfer. Il a oublié que c'était qu'Allah qui jugeait. On se comprend. Ces mêmes principes qu'eux, auxquels ils adhèrent et ils adoptent, ils les appliquent pas dans leur vie de tous les jours. Quelqu'un va juste rayer sa voiture. Ça y est, c'est un juif, il va te dire. Comme certains, on était à une certaine époque, on était dans une mosquée, on avait fait un peu, il y avait certains frères, ils avaient fait de dawa. Ils parlaient du fait de voter aux élections législatives et ils mettaient en garde contre ça. Ouah, c'est-à-dire, même si t'expliques que c'est du chien, non, ça nous regarde pas, non. Non, faut pas rendre mécréant les gens, justement. Nous, on n'était même pas là à rendre mécréant les gens, hein. On était juste là en train d'exposer. فَلَمْ يَكُنْ قَصْدَنَا الْأَوَّلْ هُوَ تَكْفِيرَ النَّاسِ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانُ الْحَقَائِقُ وَإِبْلَغِ النَّاسِ. Là, d'entre eux, c'est peut-être marrant, mais شَرُّ الْبَلِيَّةِ مَا يُضْحِكُ. Là, d'entre eux, un jour, ses chaussures ont été volées à la mosquée. Là, commence à insulter celui qui lui a volé ses chaussures de Yahoudi, de Juif. Quand, subhanallah al-Azim, quand je cite ça, c'est pourquoi? C'est pas pour rigoler, je rigole pas de ce genre de choses. Enfin, mon but, c'est pas de rigoler. Mais subhanallah, t'as volé tes chaussures, tu l'as accusé de juif? Et quand quelqu'un insulte Allah, non, on peut pas dire que c'est un mécréant, on peut pas dire que c'est un gars. Wesh, c'est quoi le mawazin, indakanta? C'est quoi? C'est quoi ta balance? Comment tu juges les choses? Sur quoi tu juges les gens? Comment tu mesures les choses? On t'a volé une paire de chaussures, tu l'as insulté de Yahoud, dit celui qui te les a volées. L'autre, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou il change la religion d'Allah, il combat Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et quiconque l'appelle à appliquer la loi d'Allah, et il le fout en prison. Celui-ci, tu, non, on peut pas dire, c'est, non, il a dit la ilaha illallah. T'as oublié celui qui t'a volé tes chaussures, il a dit la ilaha illallah. T'as oublié ça. Donc les gens aujourd'hui, c'est souvent le hawa, les passions. C'est ça qu'ils le disent. فتقودهم أهواؤهم هذا هو المآب يعني ما يقودهم وما يعني المصدر الذي يستندون إليه في الحكم على الناس هو الهوى الهوى ودنياهم وما يعني ما يبتغونه وما يسعون إليه في هذه الدنيا فقط وهذه من أعظم يعني كما ذكرت من سب الله هذا كافر بإجماع المسلمين ومن لم يكفره فهو كافر يعني من لم يكفره أقصد من لم يكفره بعد أن تبين له الأدلة إن كان شاكا من لم يكفر ساب الله عز وجل من لم يكفره بعد البيان يكفر مباشرة تبين له الأدلة واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن من سب الله فهو كافر بإجماع المسلمين ولا يشك في ذلك إلا جهمي جلد الجهمية أتباع جهم بن صفوان هم الذين يشككون في مثل هذه الأمور. Donc celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute de sa mécréance, et bien plus, l'imam Sahnoun, rahimahullah, comme a dhakara au Cheikh Hussain Taymiyyah, Cheikh Hussain Taymiyyah l'a cité dans un livre qui s'appelle As-Sarim al-Masloul, l'épée tranchée à la châtime al-Rasoul, sur celui qui a insulté le messager. L'imam Sahnoun, c'est un grand imam des Malikiyyah, parmi les imams Malikites. Il a cité le consensus que celui qui insulte Allah est mécréant, et que celui qui ne le rend pas mécréant est lui-même mécréant. Ce que je veux dire par là, c'est que celui, tu lui montres les preuves, il persévère à ne pas rendre mécréant. Celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, فبعد البيان وبعد يفهم دلالة النصوص فإن توقف فهو مكذب لله عز وجل. Donc après que les preuves lui soient exposées et après que ses choubhas lui soient retirées, si jamais il a des choubhas, il est mécréant à l'unanimité des savants. Voilà qu'il celui qui insulte Allah, il est kafir depuis le départ. من سب الله عز وجل انفسخ العقد بينه وبين امرأته. من سب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى بريء منه. Celui qui insulte Allah سبحانه وتعالى, s'il est marié, sa femme doit le quitter. Si Allah est innocent de lui, s'il meurt, il n'est pas enterré avec les musulmans. Il n'est pas enterré avec les musulmans. Il n'y a pas de prière sur lui. Quand il est éternu, tu dis pas رحمك الله, tu dis هداكم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. كما تقول للنصراني. Et bien plus, celui qui insulte Allah, il est pire que le chrétien. Et il est pire que le juif. Sa situation en enfer est encore pire. لأنه مرتد والمرتد أشد من الكافر الأصلي. Donc tout ça pour dire quoi? Qu'il est important de connaître les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées. Pour savoir qui est ton allié, qui ne l'est pas, qui est ton ami, qui ne l'est pas, à qui tu dois donner le droit des musulmans, à qui tu ne dois pas le donner. Et ça, c'est une chose qui est très très importante. Aujourd'hui, malheureusement, dans certains pays, aujourd'hui, quelqu'un rentre à la police sans aucun problème. À partir du moment où c'est quelqu'un qui a un bon salaire, il vient demander une fille en mariage, on va lui donner la fille en mariage. Là, la jundi min junud al-tarut. La yunkah. La yuzawwaj. Ça, c'est un allié parmi les alliés du tarut. C'est un des soldats du tarut. On ne doit pas lui donner nos femmes en mariage. Wala tu'kal dhabihatuhu. Et s'il sacrifie, on ne mange pas de son sacrifice. Wala yusalla khalfa. Et la prière vers lui, elle n'est pas valide. Ça, c'est des choses qui sont très très importantes. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Comme un des imams ici, Hadahullah, et la question lui a été posée, est-ce que je peux rentrer à la police? Il a dit, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et il serait venu te voir pour te dire, est-ce que je peux avoir des rapports avec ma mère? Excusez-moi, la pire des choses. Il lui aurait dit, fais ce que tu veux. C'est quoi le pire? Le kufr billah, le shirk billah, de devenir l'un des alliés du tarot et de défendre les lois forgées par les hommes, ou de commettre ce genre de choses graves? C'est grave de faire ce genre de choses. Mais c'est moins grave, c'est... Le coffre est encore pire. Il lui serait venu le voir, lui dit, écoute, est-ce que je peux voler des chips au magasin? Il va lui dire, fais ce que tu veux. Mais jamais il va lui dire ça, subhanallah. Mais pourquoi quand on te demande, est-ce que je peux devenir l'un des soldats du Tarut et défendre les lois du Tarut? Parce que c'est des lois quoi? Les lois qui sont dans les pays aujourd'hui en majorité. C'est des lois qui sont en accord avec la loi d'Allah. C'est des législations qui sont en accord avec la législation d'Allah. Loin de là. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu vers toi et ce qui est descendu avant toi, alors qu'ils recherchent l'arbitrage de leur litige auprès du tarot. Alors qu'ils recherchent l'arbitrage de leur litige auprès de qui? Auprès du Tarout. Qui était le Tarout ici? C'était un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Ka'b ibn al-Ashraf. Lorsque les juifs ils avaient un problème, ils revenaient vers lui pour trancher dans leur litige. Allah il l'a appelé comment? Tarout. Il a appelé ceux qui délaissent la loi d'Allah pour aller vers ce Tarout pour qu'ils règlent leur litige. Il les a qualifiés de quoi? De gens qui prétendent simplement croire en Allah. Ils n'y croient pas. Alors que c'est des munafiqins jusqu'à la fin des versets. Les versets sont assez longs. Je vais les citer pour qu'on comprenne bien. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Et lorsque tu leur dis, venez, lorsqu'il leur est dit, venez à ce qu'Allah et son messager tranche, venez à ce qu'Allah a révélé et au messager, afin de trancher dans les litiges, يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. À ce moment-là, ils se détournent de toi, ils se détournent totalement de toi. Ils veulent pas de la loi d'Allah. Ils veulent pas de la loi d'Allah. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un grand nombre de gens, malheureusement, lorsque tu leur parles de la loi d'Allah, tout de suite, ils supportent pas d'entendre ça. Ils vont te dire, non, écoute, tu me parles de la religion, d'accord, dans la prière et tout. Ça va, c'est calme, c'est bien, mais ne parle pas d'autre chose. L'islam n'est pas basé que sur les peines. Les peines sont un moyen d'empêcher l'injustice de régner sur terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les peines qui ont été fixées sont un moyen d'empêcher l'injustice sur terre. Ça, c'est une chose qui est importante. Par exemple, lorsque ton enfant, imagine-toi que tu as un enfant, ou tu as un fils, il se drogue. Et ça y est, la drogue, elle est dans son sang, maintenant. Et que tu l'attrapes, est-ce que, si tu l'attrapes dans la rue, et que tu veux l'emmener dans un centre de désintoxication, il va vouloir l'enfant. Il va pas vouloir. Si tu le prends de force et que tu l'emmènes. 5 ans après, il a été guéri, alhamdoulilah, il a eu difficile, mais il a été guéri. Il va te remercier ou pas? Il va te remercier. Pourquoi? Parce que si jamais tu l'avais laissé dans cette situation-là, c'était sa vie qui était foutue. Donc c'est la même chose. Pourquoi un enfant arrivé à l'âge de 10 ans, à 7 ans, tu lui parles? Tu dis prie. À chaque heure de prière, tu lui dis venir prier avec toi. Mais arrivé à l'âge de 10 ans, il n'y a pas de mal à lui mettre un petit coup. C'est pas de le frapper, de le cogner, hein, c'est pas ça qu'il voulait dire. Hein. C'est de lui mettre un coup pour qu'il comprenne. Cet enfant, à cet âge-là, il va se dire, mais pourquoi? Attends, il va pas me frapper pour que j'aille prier. Mais wallah, s'il s'habitue pas à la religion à cet âge-là, arrivé à 16, 14, 15 ans, il va commencer à aller avec les filles. Après, il va commencer à connaître ses copains, il va fumer une cigarette par-ci, puis un joint, puis après, il va aller en boîte de nuit. Après, petit à petit, même ses études, il va complètement les délaisser. Après, il va vouloir de l'argent pour acheter ce dont il a besoin. Parce que soit ça va être de l'alcool, soit ça va être pour plaire à une fille, soit pour payer sa drogue. Il va pas trouver cet argent, il va commencer à voler ses parents. Et à ce moment, peut-être un jour, sa mère va la remarquer, il va la pousser. Puis après, il va sortir de la maison, il a pas d'argent. Il va aller agresser quelqu'un, il va prendre de l'argent, il va aller acheter. Et puis, ça va peut-être presque devenir, ça va devenir une personne toute sa vie et court qu'après ses passions. Donc, il vit pourquoi? Pour assouvir ses passions. Jusqu'à qu'un jour, tu le trouves, il a fait une overdose et il est mort. Qu'Allah en présente. Ou il se retrouve en prison pendant des années et des années. Pourquoi? Parce qu'il a été braqué quelque chose pour avoir de l'argent, pour aller acheter de la drogue, ou plaire à une fille, ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc cet enfant-là, imaginez qu'il meurt dans cet état, et qu'il est ressuscité dans cet état. Est-ce qu'il se dirait pas, oh, si seulement j'avais écouté mon père, ou si seulement j'aurais préféré prendre quelques coups, me tenir droit, et puis m'habituer à cette droiture, avec le temps, parce que c'est pour mon bien, que d'en arriver là, où je meurs, j'ai perdu la dunya ou l'akhirah. J'ai perdu aussi le bas monde et l'au-delà. J'ai rien gagné dans ma vie. J'ai rien gagné. Donc il faut bien comprendre que l'islam n'est pas venu pour torturer les gens. L'islam n'est pas venu pour faire du mal aux gens. Mais l'islam est venu pour faire régner la justice. L'islam est venu pour faire régner la justice sur terre. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc en résumé, Inch'Allah, pour résumer ce qui a été dit, il est important de connaître les limites qu'Allah a fixées. Tu dois connaître c'est quoi l'iman, c'est quoi le kufr, la mécréance, c'est quoi le tawhid, l'unicité d'Allah, pour lequel Allah a créé les hommes et les djinns, et c'est quoi le shirk, l'association Si jamais tu le fais, c'est l'éternité en enfer qui t'a dit. Tu dois absolument connaître ça. Pourquoi? Pour te sauver toi-même, pour savoir dans ton relationnel de la vie de tous les jours, comment tu dois te comporter, qui est le musulman, qui n'est pas musulman, quels sont les droits du musulman, quels sont les droits, quel est le comportement à avoir vis-à-vis des mécréants, quelles sont les différentes catégories de non-croyants, quel est le droit de chacun, par exemple s'il a un droit, dans certains cas de figure, comment je dois me comporter vis-à-vis de lui, quel est le droit du musulman, si demain un musulman et un mécréant se présentent pour un boulot, je dois faire quoi? Aujourd'hui, c'est, discute pas les gens. Bertrand, il passe devant, tout de suite devant Mohamed, hein, parce qu'il va dire, ouais, il va perdre son temps, il va prier pendant 7 fois par jour. Subhanallah, mais ce point-là. Et les gens, ils ont une conception dans la tête. C'est toujours que le mécréant fait mieux le boulot que le musulman. Pourquoi, subhanallah? Et ça, c'est une des formes d'alliance. هذه من الموالات الصغرى التي هي من أعظم الكبائر تقديم الكافر على المسلم تقديم الكافر على المسلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اتخذ كاتبا نصرانيا أو كتابيا فلما علم فجاء إلى عمر رضي الله عنه إلى المسجد فدخل أبو موسى وترك يعني ترك كاتبه خارج المسجد فقال عمر لماذا لم يدخل كاتبك كاتبك فقال إنه نصراني فقال فزجره عمر رضي الله عنه وتلا عليه قوله تعالى قال أتقربهم والله قد أبعدهم ثم تلا عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم عمر رضي الله عنه أبو موسى الأشعري il avait un scribe chrétien il est venu voir Omar un jour il est rentré à la mosquée. Et son scribe, il est resté dehors. Omar lui a dit, pourquoi tu ne fais pas rentrer ton scribe? Il lui a dit, oui, mais c'est un chrétien. Et Omar, il l'a blâmé à ce moment-là. Il lui a dit, Allah les a éloignés, toi tu les rapproches. Il y a d'autres personnes parmi les musulmans qui peuvent faire ce travail-là. Pourquoi tu le prends lui? Et c'est là qu'il lui a récité la parole d'Allah, vous voulez provoquer avec lui, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont les alliés les uns des autres. Et ceux parmi vous qui s'y allient, qui s'allient à eux, ils font certes partie d'eux. Hadil Aya. في الموالات الكبرى ولكن قد يستدل بها على النهي على نهي بعض يعني صور الموالات الصغرى. طيب إن شاء الله جلست قبل ما لخطبة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى a dit à son époque lorsqu'il parlait avec les zanadiqa les hypocrites qui étaient à cette époque là les jahmiya qui était une secte les jahmi on en parlera إن شاء الله une autre fois. On va clore par ce point. Donc, en revenant à ce qui a précédé, il est strictement interdit d'altérer la réalité des choses, de changer la réalité des choses. On doit donner à chaque chose son véritable sens. Nous devons rester fidèles au devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et être les témoins d'Allah sur terre et devant les gens. Ne vendant jamais les versets d'Allah à vil prix et ne craignant le reproche de personne quand on est sûr qu'on est sur la vérité. Quand tu es sûr que tu es sur la vérité, tu ne dois craindre personne. Tu ne dois pas craindre les reproches des gens. Ce que les gens te disent, ça ne doit te faire ni chaud ni froid. Tu es sur la vérité, fala tachafu fillahi lawma tala'im. Mais au contraire, de trancher par justice entre les gens, et on doit être ainsi les témoins d'Allah sur cette terre, emplie d'injustice et de shirk et d'association, afin de l'illuminer par la lumière de l'équité, la véritable justice qui est le tawhid. Nous devons être les témoins d'Allah, et des témoins pour Allah en propageant et en exposant le haq, la vérité entre les gens. L'imam Ahmed rahimahullah radiyallahu anhu disait, toutes les louanges, toutes les formes de remerciements, par amour et par satisfaction pour Allah, appartiennent à Allah. Qui à chaque période d'interruption, de messager, c'est-à-dire à chaque période où il n'y a pas eu de messager, Allah a laissé une élite des gens de science. Une élite, des gens qui ont été élus parmi les savants. Ces gens, ces savants qui invitent ceux qui s'égarèrent à suivre la guidée et qui invitent les gens qui se sont égarés à suivre la guidée et qui patientent face à leurs méfaits, qui patientent face aux méfaits des gens. Ils ressuscitent ces savants par le livre d'Allah les morts et ils éclairent par la lumière d'Allah les aveugles. Ils ressuscitent, c'est-à-dire ils leur donnent une nouvelle vie. C'est par la permission de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que veut dire ressusciter ici? C'est qu'il leur montre la vérité. Et la véritable vie, c'est la vie que tu as quand tu fuis le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une parabole dans le Coran. Il nous dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ressuscité et nous lui avons accordé une lumière par laquelle il marche entre les gens. C'est quoi cette lumière? C'est la science. C'est quoi cette lumière? C'est la vérité. Est-ce que celui-ci, à qui était mort, qui n'avait pas de vie, parce que le mécréant, il n'a pas de véritable vie. Il est loin. La véritable vie, c'est la vie du cœur. Le mécréant, il n'est pas vivant. Le véritable vivant sur cette terre, c'est le croyant. Donc, c'est quelqu'un qui était mécréant, Allah lui a donné la vie. Comment? En le guidant sur la vérité. Et en lui accordant une lumière, la science, l'ilm, par lequel il marche entre les gens. Donc, il distingue quoi? Le tawhid, le shirk, l'association. Il distingue l'obéissance à Allah, la désobéissance à Allah. Il distingue al-haq ou al-batil, la vérité et le faux. Et il distingue son allié de son ennemi. Le croyant du mécréant. فَيُفَرِّقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَيُفَرِّقْ بِهَذَا النُّورِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِيَّاهُ يُفَرِّقْ بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ وَبَيْنَ الْمَعْصِيَةِ وَبَيْنَ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah donc nous donne en parabole cette personne-là. Nous dit, est-ce que celui-ci est comparable à celui qui est mort? كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Comment Allah سبحانه وتعالى a-t-il comparé le mécréant? Il a dit que le mécréant, il est dans quoi? Dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est sombre, il ne voit rien. Parce que son cœur ne voit rien. Est-ce que celui qu'Allah a guidé est pareil à celui qui vit dans les ténèbres, dans l'obscurité? Quand tu ne pries pas, qu'est-ce que tu vis? Wallah, tu vas être malheureux. Tu ne vas jamais goûter au plaisir de la foi. Certains salafs disaient, Masakin ou ahli dunya, kharaju minha wa lam yadouku ahsana ma fiha. Qila ma ahsana ma fi dunya. قالوا أو قال الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى وزاد أمر آخر من الأذكرين. Certains anciens disaient que les pauvres, les masakin, les miskin, c'est les gens de dunya, les gens qui sont attachés à cette vie, au plaisir de cette vie, quitte à faire le haram. Ils ont quitté ce bas monde sans goûter au plus grand plaisir qu'il puisse y avoir. Mais on dit, c'est quoi le plus grand plaisir qu'il puisse y avoir? Il a dit le désir ardent de rencontrer Allah. Le désir ardent de rencontrer Allah et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus grand plaisir qu'il puisse y avoir. Donc, le mécréant et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé cette lumière, c'est comme un mort. Il n'est pas vivant, il n'a pas de véritable vie qu'Allah nous en présente. Et la véritable vie, elle est dans quoi? Dans la vérité, dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah, dans le désaveu du tarot, dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de ne faire aucun shirk, jamais tu associes à Allah. Jamais tu ne désobéis, jamais tu ne persévères dans la désobéissance à Allah. Jamais tu ne t'emplis d'orgueil, tu refuses de te prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'heure de Fajr sonne, tu te lèves et tu pries. Tu ne fais pas l'orgueilleux. Iblis, pour une prosternation qu'il a refusée, Allah l'a expulsé du paradis. Qu'en est-il de celui qui refuse des prosternations par jour? Et des jours et des jours, voire des mois. Est-ce que lui, il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le faire entrer dans son paradis? Iblis, le mujarrad, sajdat wahida rafadaha, wa aba, ayajduda lillah sajdat, ayajduda sajdat wahida, amarahu Allah azza wa jalla biha, taradahu Allah min al-jannah. Afa yadhunnu man yatruku as-sajadat, mush sajda wa laysat sajdat al-wahida, bal yani as-sujud was-sujud, tilwa as-sujud, was-salat was-salat, tilwa as-salat, bal al-ayyam wash-shuhur wa huwa la yusalli, bal as-sanawat, ayadhunnu hadha anna Allah subhanahu wa ta'ala sayadkhilu jannatahu. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah qui, à chaque période d'interruption des messagers, a laissé une élite de gens de science qui invite ceux qui s'égarèrent à suivre la guidée et patiente face à leur méfait. Il ressuscite par le livre d'Allah les morts et éclaire par la lumière d'Allah les aveugles. Combien de victimes d'Iblis ont-ils ressuscité? C'est-à-dire, combien de gens qui ont été tués par Iblis et auxquels Iblis a repris leur religion et les a égarés? Qui étaient ainsi morts, combien de gens comme ça, les gens de science, ont-ils ressuscité? Et combien d'égarés perdus ont-ils guidés? Combien est grand leur bienfait et leur effet sur les gens, et en contrepartie, quel horrible comportement que les gens ont vis-à-vis d'eux. Ces gens de science, qui éloignent du livre d'Allah les falsifications et usurpations des exagérateurs, qui dépassent les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées, et cherchent à falsifier cette religion, ainsi que les mauvaises interprétations des ignorants. Les gens de science, qu'est-ce qu'ils font? Les mauvaises interprétations des ignorants, ils les repoussent. Et ceux qui exagèrent, ils les repoussent. Et ils laissent le livre d'Allah clair. Et l'explication du livre d'Allah claire et nette. ces gens, ces ignorants et ces innovateurs qui portèrent l'étendard de la bid'a et propagèrent la fitna, ces ignorants qui s'opposent au livre d'Allah et s'accordent, ils se sont accordés, ils se sont mis d'accord à s'opposer au livre d'Allah. Ils disent, ces innovateurs, au sujet d'Allah, et lui font dire, ils font dire à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'a pas dit, et s'expriment sur le livre d'Allah sans aucune science. Ils utilisent ce qui porte à équivoque, et ce qui porte à équivoque, c'est les textes qui ont plusieurs significations. Ils utilisent ces textes-là et pour faire croire aux gens que le faux est une vérité et que la vérité est un mensonge. Mubarakallahu fikum. Sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, donc ce cours, nous sommes toujours dans une introduction à la aqidah. On n'a toujours pas commencé le cours de la aqidah. Pourquoi ? Tout d'abord, il faut qu'on comprenne l'importance d'apprendre ça. Le livre qui va venir, Inch'Allah, qu'on va étudier, s'appelle Al-Haqa'iqu fi Tawhid. Les réalités, les définitions du Tawhid. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi je dois apprendre les définitions. Pourquoi je dois savoir les définitions du Tawhid. Lima ta'allamu al-haqa'iq. Lima ta'allamu haqa'iq al-umur. Wa lima yanbaghi 'ala al-muslim an ya'rifa hudud ma anzala Allah 'ala rasulihi. Wa hadd al-islam wa ash-shirk wa hadd al-kufr iman wa al-kufr. Lima yanbaghi lahu dhalik. Wa madha yatarattabu 'ala dhalik. Hatta tanhada himmatuhu. حتى تنهض همته فبعد ذلك سيسعى ويحرص على تعلم هذا الفن على تعلم هذا العلم ويجتهد ويبذل جهده واقصى جهده من اجل يعني حضور هذه الدروس ان شاء الله تعالى التي نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها مباركه نساله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص والصدق في القول والعمل ويصلح فساد قلوبنا. Donc le but de tout ça, pourquoi on va exposer, Inch'Allah, c'est qu'après avoir su l'importance de connaître ses limites, l'importance de connaître ses définitions, tu vas faire des efforts pour apprendre, tu vas faire des efforts pour réviser, tu vas chercher à comprendre, et tu vas t'efforcer de bien agir par après. Mais avant ça, c'est-à-dire si on rentre tout de suite dans le livre, sans connaître l'importance et les conséquences néfastes, et les bienfaits qui en découlent, les conséquences néfastes qui découlent du fait de ne pas connaître ces limites-là et ces règles-là, et les bienfaits qui découlent du fait de les connaître, si tu ne sais pas tout ça, tu ne vas pas avoir le souci et la préoccupation réelle pour apprendre. Mubarakallahu fikum, wa sallallahu sallam, mubarak ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahi rabbil alamin. Et ce cours était le deuxième, tenu au samedi, donc il y a combien aujourd'hui ? Jumad. Le Qiyada. Comme, il y a 4 là. 4 ou 5 من ذي القعدة صلى الله تبارك وتعالى يتم علينا نعمته أسأله تبارك وتعالى الإخلاص والصدق في القول والعمل ونعوذ بالله من تقلب العافية وزوال النعمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من تقلب العافية وزوال النعمة. وليست هناك نعمة أفضل من نعمة حضور المجالس العلمية ومجالس الذكر. فهؤلاء يعني هم لا يشقى جليسهم. نسأل تبارك وتعالى يتم علينا هذه النعمة ويمن علينا بإتمام هذه الدروس إن شاء الله، لعلها تكون صدقة جارية أو علما نافعا نتركه ورائنا ننتفع به الخلق نستفيد منه إن شاء الله جميعا. بارك الله فيكم. Donc je disais juste une dernière chose, là je traduis juste ce qui a été dit. Donc dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de terminer ses cours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une doua souvent, il disait « Ya Allah, trouve mon protection contre la disparition des bienfaits que tu m'as accordés et que ma situation où je suis en bon état se change et que je me retrouve dans une situation de mauvais état. » Et donc je disais une chose, c'est qu'il n'y a pas un plus grand bienfait que le fait d'assister à des assemblées de science dans lesquelles on apprend les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on apprenne. Et le plus important, c'est de connaître le tawhid et de savoir quel est le tawhid pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et quel est le shirk, qui est le péché qui ne sera jamais pardonné. Donc ces dorosas sont un grand bienfait. Demande à Allah de nous accorder à tous la sincérité et le shirk, la véracité et la loyauté. Et dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de terminer ses cours, pour que ce soit déjà des bases et des fondements corrects pour vous tous, et pour qu'on puisse justement reconnaître le tawhid et le shirk, le muwahhid et le mushrik, Et de même que ce soit pour nous, Inch'Allah, pour une sadaqa jariya, une aumône continue, et une science utile que nous laisse derrière nous, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soit profitable après la mort et dans ce monde. Assalamu alaikum.